Noces d'argent par Albert Moniaud. C'est un délicieux panorama qui se déroule sous les yeux du passager des bateaux remontant la Rance de son estuaire à Dinan. Un panorama peut-être unique en rivière, où tantôt se marient harmonieusement et tantôt alternent les sites majestueux et puissamment évocateurs de la vieille Bretagne et les fraîches échappées sur les gras pâturages qui tapissent le seuil de la féconde Normandie. Que de vieilles tours crénelées, lourdes et robustes comme les hommes d'armes du Moyen-Âge, hérissées, agressives, avec leurs murailles découpées en mâchoires menaçantes, dominant orgueilleusement la rivière. Ou que de petits castels modernes, pimpants et rieurs, sous leurs chevelures de pampres, se mirent coquettement dans l'eau claire. Que la vue soit brusquement interceptée par la roche abrupte, qu'elle embrasse des horizons sans fin, lumineux et quiets, ou se perdent dans les retraits ombreux que baignent les eaux parfois étales. Que la voix des choses dise à qui l'entend les mystères de l'impénétrable forêt, les convulsions des titans de granit ou les majestueuses horreurs de la grande indomptable. Le spectacle est toujours grand, les pensées élevées. La petite Rance, limpide et susurrante, est elle-même bien séduisante, et son gracieux serpentille à travers les splendeurs naturelles qui l'encadrent fait songer aux minauderies d'une coquette se dérobant aux hommages. C'est dans ce coin de Bretagne, à quelques kilomètres en amont de l'embouchure de la Rance, que les familles de Beauval et d'Igny avaient établi leur quartier d'été, la première sur la droite, sa villa adossée aux escarpements, la seconde en face, dans l'ombre épaisse des bocages qui tranchent net le ruban d'ondes claires étincelant comme une lame sous le soleil. Ce voisinage n'était pas dû au hasard. Il résultait d'une entente cordiale, que devait prochainement sceller une alliance. Le fils de Beauval, jeune et brillant officier, allait en effet épouser Mademoiselle d'Igny quand avait éclaté la guerre de 1870, suspendant le cours de la plus fraîche idylle, de la plus prometteuse de bonheur. Puis s'abattait le drame. L'officier, frappé à Frochevillers d'une balle en pleine poitrine, Mademoiselle d'Igny, mise au seuil du tombeau par l'affreuse nouvelle. Cette terrible secousse était prévue, mais M. de Beauval avait cru devoir insister pour que la jeune fille connût la vérité quelque temps cachée et sût que la liberté lui était rendue. Et il ignorait que Mademoiselle d'Igny était de celles que la mort de l'être chéri ne libère pas de la parole donnée. Après la période de noviciat strictement nécessaire, elle prenait le voile. En juillet 1896, un homme d'une cinquantaine d'années, tout grisonnant déjà et paraissant vieilli avant l'âge par les rigueurs de la vie, descendait du train à la station voisine du château de Beauval. Il se dirigea vers le village, paraissant fouiller ses souvenirs pour s'orienter. Il allait péniblement, sous le soleil qui tombait d'aplomb sur la route blanche. Arrivé au bord de la Rance, il se laissa choir au revers du talus, et son regard embrassa la vallée, muette à cette heure torride. Ce grand silence l'étreignit, et il éprouva un véritable soulagement en percevant le léger clapotis de la rivière, l'aigrelette et fraîche chanson des cailloux montant comme une protestation contre l'incendie qui tombait du ciel. Son œil resta quelque temps perdu dans le vague, comme si l'homme n'osait consulter l'horizon, redoutait ses confidences, ses aveux. Pourquoi aussi ce bal qu'il avait connu si chantant, si poétique et si rieur, se présentait-il à lui sous cet aspect maussade et rébarbatif? Enfin, remontant lentement le cours sinueux de la rivière, son regard s'accrocha à la villa d'Igny, et le voyageur eut un tressaillement. Autrefois, elle se détachait en arêtes vives et claires sur le fond verdoyant. Maintenant, patinée par l'âge et les intempéries, elle se dérobait sous les sombres frondaisons et les végétations envahisseuses des demeures abandonnées. L'étranger eut la douloureuse et nette sensation que le malheur était passé par là, que même il s'y était appesanti, et c'est à peine s'il osa porter la vue sur l'autre rive où s'érigeait le castel de Beauval. Là non plus, aucune manifestation de vie. Il n'eut qu'à fermer les yeux pour revoir dans le passé les deux pimpantes demeures, se souriant, comme deux bonnes amies par-dessus la petite rivière, et aussi l'incessant va-et-vient de la petite barque entre les deux rives, cette barque qu'avait souvent laissé glisser Au fil de l'eau, le rêve resplendissant et rose comme une aurore. Amour, gloire, fortune, fumée, qu'avait balayé le vent des tempêtes. « Qui sait ? » murmura-t-il pourtant, « peut-être a-t-elle gardé sa foi ?» Il se complut dans cette hypothèse et sourit à ses souvenirs. « Ce serait une noce d'argent, » fit-il. Fût-ce l'effet de cette évocation, il se dressa pour continuer sa route. À peine fut-il levé que la rivière, autrefois miroir si complaisant, lui renvoya l'image de sa décrépitude, comme une cruelle réponse à ses pensées revivifiantes. Et ce fut un douloureux écroulement. De quel droit aussi se reprenait-il à espérer? Que venait-il faire en ce pays où l'oubli avait passé? Troubler peut-être le bonheur érigé sur les ruines du sien, belle besogne. Il avait de quoi vivre ignoré. Que n'était-il resté à Paris? Que n'avait-il achevé de mourir là dans l'indifférence? « Je veux savoir, » fit-il pourtant en s'acheminant vers le village. Il avait pénétré dans une auberge où d'un geste il refusa les rafraîchissements qui lui étaient offerts. « Un renseignement seulement, madame, à votre service, monsieur. Les deux Beauval, beau châtelain, » fit-il avec effort. « Il y a donc longtemps que vous n'êtes venu dans le pays, monsieur. Les Beauval sont morts il y a plus de 10 ans, et à un âge très avancé. » La poitrine de l'homme eut de violents soubresauts. « C'est vrai, » dit-il, « le père serait maintenant presque centenaire. » « Et le fils ? Mort à la guerre. Ah, mort à la guerre. Merci, madame. » « La poussière m'étrangle, » fit-il comme se ravisant. « Donnez-moi donc tout de même une bouteille de cidre. » Et profitant de ce que l'aubergiste allait au cellier, il tamponna de son mouchoir ses yeux qui s'embuaient de larmes. Alors, comme la bonne femme réapparaissait, il fit un nouvel effort pour demander. « Et mademoiselle Digny, vous avez peut-être connu mademoiselle Digny, la fiancée du défunt, fils de Beauval ? Mariée, sans doute ? Mariée, oui, avec le bon Dieu. Morte ? Non, monsieur, religieuse, supérieure de notre couvent. La providence des pauvres, avec la dame du château. » L'homme suspendit ses questions, craignant d'éveiller la curiosité de l'hôtesse, mais ce fut elle qui insista. « Monsieur est du pays, sans doute ? Oh, si peu. Je n'y suis pas venu depuis 1870. Je rentre de Prusse, où, après avoir été laissé pour mort sur le champ de bataille, j'avais été emmené en captivité où j'ai fait 25 ans de forteresse, pour voir tuer en duel un officier prussien qui m'avait insulté. Pauvre monsieur. Vous disiez, reprit l'étranger, que la dame du château était la providence des pauvres. Qui donc est cette dame ? Madame Joubert, nièce et héritière des Beauval. Et vous dites qu'elle fait le meilleur usage de la fortune qui lui est échue par la mort du fils de Beauval ? C'est-à-dire, monsieur, que c'est une véritable bénédiction, que l'argent tombe en pareille main. Alors, fit l'homme comme se parlant, tout est bien ainsi. Qui sait ? Reprenait l'aubergiste, le fils qui est mort à la guerre n'aurait peut-être pas valu les 4 fers d'un chien. Oui, oui, vous avez raison. Il se recueillit quelques minutes, puis prenant subitement une résolution, après avoir réglé le rafraîchissement auquel il n'avait pas touché, il demanda « Dites-moi, madame, à quelle heure le premier train pour Paris ?» C'était « Noce d'argent » par Albert Moigneau.